Chapitre 7e. Ce qui advint aux lunettes. Carlyle et Barbara étaient tous deux occupés à prendre leur déjeuner quand arriva le vieux Deal, suivi du juge Hare, de M. Rinner et du colonel Bethel. Tous quatre n'arrivèrent pas ensemble en même temps, mais la file l'un de l'autre en courant et presque hors d'haleine. Ils se mirent à parler tous les quatre à la fois, avec une volubilité étonnante, et Carlyle lui éprouvait naturellement quelque peine à saisir le sens de ce brouhaha confus et étourdissant. À ses oreilles abasourdies retentirent cependant et d'une manière assez intelligible quelques-unes de leurs paroles. « Allons, fit-il, calmez-vous, mes amis. Vous venez m'annoncer qu'un autre individu se présente pour me disputer la place vacante. Eh bien, tant mieux. Il n'y a pas là de quoi se désoler. Mais, monsieur Archibald, poursuivit le pauvre Deal, vous ignorez encore quel est cet individu. Enfin, qui est-ce ? Demanda l'avoué. Il eut un moment de silence, pénible. Les nouveaux venus se regardaient tous quatre avec hésitation. Nul ne semblait disposé à révéler à Carlyle le nom de son adversaire. Enfin, Deal, après un violent effort sur sa timidité habituelle, se pencha à l'oreille de son maître. « C'est cet homme, ce Levison, » murmura-t-il tout bas. Une rougeur subite colora les joues de Carlyle. Barbara courba la tête, mais ses yeux dardaient des éclairs. « Oui, » continua le juge Hare, « toutes les murailles sont couvertes de placards gigantesques portant en grosses lettres « Vive Levison, votons pour Levison !»« Il faut qu'il soit fou pour oser offrir ici sa candidature, » suggéra le colonel Bethel. « Il a voulu vous insulter, » continua M. Rinner. « Nous insulter tous, vous voulez dire, » poursuivit le colonel. « Il faut tenir bon, Carlyle, maintenant plus que jamais, » cria le juge Hare. Carlyle demeurait silencieux. « Nous avons une réunion à 10 heures à l'hôtel du Dain, » fit-il enfin. « Je vous y donne rendez-vous. »« Mais n'est-ce pas à cet hôtel qu'il est descendu ?» demanda M. Rinner. « Où il n'y est plus ?» répliqua le maître clerc. « On l'a mis à la porte. » Après avoir échangé quelques paroles, les quatre amis prirent congé de l'avoué. Dès qu'ils furent partis, Carlyle se remit à table pour achever son déjeuner. Alors, Barbara s'approcha de lui et se penchant sur son épaule. « Archibald, » soupira-t-elle avec tendresse, « ce que vous venez d'apprendre ne vous fera pas changer d'idée. Vous ne céderez pas la place à cet homme. »« Je ne le pense pas, Barbara. » « Je crois que ce que j'ai de mieux à faire en une telle occurrence, c'est de traiter cet homme comme je traite la boue qui s'attache à ma chaussure. »« Oui, oui, » fit-elle, « vous avez mille fois raison. » Et en parlant ainsi, un noble orgueil empourprait les joues de la jeune femme. Carlyle s'empressa de sortir et prit la direction de West Lynne. Partout sur le chemin, il put voir sur les murs et sur le dos des colporteurs les placards dont on lui avait parlé. À moitié route, il rencontra sa sœur qui marchait à pas précipités. « Eh bien ?» c'est qu'à celle-ci, en l'arrêtant brusquement, « Vous savez la nouvelle ?»« Oui, Cornélie, je la sais. »« Ah » continua-t-elle, « vous n'en démordrez pas, je l'espère. »« Tout d'abord, voyez-vous, je n'ai pas prouvé votre idée, mais maintenant c'est autre chose. Et si vous ne disputez pas avec énergie et pouce à pouce le terrain de ce misérable, je vous renie. Vous n'êtes plus mon frère, vous m'entendez ?»« Soyez sans crainte, Cornélie, je n'ai nulle intention de lui céder la place. »« Alors c'est à merveille. Allez droit votre chemin. » Ne vous occupez pas plus de lui que vous ne vous occuperiez d'une vipère. Et maintenant, mon cher frère, ajouta-t-elle, il va falloir vous remuer, avoir recours aux manœuvres, faire des promesses, ne rien négliger enfin pour arriver à votre but. Je n'en ferai rien, répliqua l'avoué. Alors je me charge de tout diriger, et je m'engage à faire distribuer pour 25 000 francs de pale ale aux électeurs. Cornélie, je vous supplie de ne pas aller compromettre mon élection. Nous avons des lois sévères contre la vénalité et la corruption. Barbara, ce jour-là, avait accompagné son mari jusqu'à la grille du parc. En retournant à la maison, elle rencontra Madame Vine, qui se promenait avec les deux enfants. « Comme vous êtes rouge, ma mère !» s'écria la petite Lucie. « Qu'avez-vous donc ?»« Je suis irritée, furieuse !» répliqua Barbara, à moitié souriante. « Et pourquoi cela ?» Parce qu'un individu s'est présenté pour disputer à votre père la place vacante au Parlement. « Mais il en a le droit, » interrompit vivement le jeune William. « La liste n'est-elle pas ouverte à tous ?»« C'est vrai, mais l'homme dont je parle aurait dû s'en tenir éloigné. C'est un être méprisable, vil et abject. »« Quel est son nom ?» demanda William. « Sir Francis Levison. » À l'ouïe de ce nom, l'institutrice tressaillit involontairement. Elle se couvrit le visage de ses mains et un cri rauque s'échappa de sa poitrine. « Qu'est-ce ? Qu'avez-vous ? » fit Barbara en s'approchant de Lady Isabelle. « Rien. « Ce n'est rien, » balbutia la malheureuse femme. « Une douleur passagère, voilà tout. » Madame Carlyle demeurait muette et pensive, fixant ses regards scrutateurs sur l'institutrice dont les lèvres frissonnaient encore comme sous l'influence de la fièvre. « C'est singulier, » pensa-t-elle tout bas. « Connaîtrait-elle par hasard ce Francis Levison ?» Et Barbara laissa Madame Vine continuer sa promenade. Les enfants jouaient sur la pelouse et Lady Isabelle les suivait des yeux, quand tout à coup son attention fut attirée vers deux personnages qui s'avançaient vers elle à pas précipités. Isabelle fut prise d'un tremblement convulsif, ses genoux vacillèrent, elle eut peine à se soutenir. Ces deux personnages n'étaient autres, en effet, que Lord Mountsevern et son fils, Lord Vane. Le comte s'approcha des enfants, les embrassa, puis s'arrêtant en face de Lady Isabelle, il ôta son chapeau. « C'est Madame Vine, notre institutrice, » fit Lucie. Madame Vine rendit au comte son salut et détourna ensuite brusquement la tête. « Votre père est-il chez lui ?» demanda Lord Mountsevern. « Oui, je pense qu'il est encore à déjeuner. »« Savez-vous que vous êtes plus jolie que jamais ?» fit Lord Vane en passant l'un de ses bras autour de la taille de Lucie. « Vous n'avez pas oublié notre engagement, je l'espère. »« Oh non !» soupira la petite fille en riant. « Madame Vine, » continua Lord Vane, « Lucie doit être ma femme. C'est un engagement que nous avons pris ensemble, et nous le remplirons, car nous nous aimons à la folie. » Isabelle ne savait que dire, que répondre, son cœur s'inondait de sangles amers. « Voyons, Lucie, » poursuivit le beau jeune homme, « il faut me laisser seule un instant avec Madame Vine. J'ai quelque chose à lui dire en particulier. » Lucie s'enfuit à la hâte. « Madame Vine, » s'écria alors Lord Vane. « Savez-vous si Carlyle a tué ce misérable, ce vaurien canon Levison ? C'est là ce qu'il aurait dû faire. Il aurait dû lui loger une balle dans le cœur, si tant est que ce gredin en ait un. Ou plutôt, il devrait l'écraser sous la semelle de sa botte. L'effronter, oser se mettre sur les rangs, se présenter ainsi en face de Carlyle. Il y a quelques années, voyez-vous, j'aurais voulu être un homme, pour lui brûler la cervelle. Avez-vous jamais connu Lady Isabelle ? Oui, non, oui, balbutia hors d'elle-même la malheureuse femme. C'était la mère de Lucie, poursuivit le fougueux et noble jeune homme. Je l'aimais, cette femme, et c'est pourquoi j'aime sa fille, car elle lui ressemble. Quand l'avez-vous connue ? Est-ce ici que vous l'avez rencontrée ? Je ne la connais que d'en avoir entendu parler. Ah, vous ne l'avez jamais vue alors ? Je le regrette. Mais dites-moi, continua Lord Vane avec colère, Carlyle ne va-t-il pas tuer ce misérable Levison ? En vérité, je ne puis vous répondre, balbutia Isabelle. Je n'aime pas à me mêler de cette affaire. Se disant, elle se retourna vivement pour mieux cacher son embarras et se remit à marcher avec une extrême vitesse. Dans l'après-midi de ce jour, Madame Carlyle invita l'institutrice à l'accompagner avec Lucie jusqu'à West Lynne, où elle comptait faire différentes emplettes. Lady Isabelle, malgré la crainte et la frayeur qu'elle éprouvait de rencontrer, chemin faisant, Sir Francis Levison, dut se conformer au désir de sa maîtresse. Toutes trois se mirent donc en route. Arrivées devant la propriété de Juge Hare, elles furent accostées par Mademoiselle Carlyle. « Votre mère est un peu souffrante aujourd'hui, » s'écria cette dernière en s'adressant à Barbara. « Vraiment, j'entrerai alors lui faire une petite visite. Vous ferez bien, » poursuivit Cornélie. « Elle me paraît très agitée, en proie à une surexcitation nerveuse. » C'est encore le résultat d'un de ses rêves stupides qu'elle a si souvent au sujet de Richard. « Je vais tâcher de la calmer, » fit Barbara. « Madame Vine ira avec vous, et si vous le voulez bien, elle pourra m'attendre chez vous. » Barbara disparut, emmenant avec elle la petite Lucie. Cornélie et Lady Isabelle suivirent alors toutes deux en silence la route qui menait à la ville. Tout à coup, au détour d'une allée, un coup de vent enleva brusquement le voile dont était recouvert le visage d'Isabelle. Ce voile, Isabelle voulut le rattraper. Elle porta avec un empressement fébrile ses deux mains à sa figure, et alors, les lunettes bleues, ces lunettes qui ne la quittaient jamais, s'échappèrent de ses yeux et se brisèrent en tombant sur le sol. L'infortunée courba la tête, tout son corps tremblait convulsivement. Qu'allait-elle faire ? Nul moyen de cacher son trouble. Impossible à elle de saisir son voile pour s'en couvrir la figure. Ce voile s'était envolé de l'autre côté d'une haie qui bordait la route. « Dieu du ciel ! Quelle singulière ressemblance !» s'écria Cornélie en la regardant fixement. Lady Isabelle fit comme si elle ne comprenait point, ou plutôt comme si elle n'avait point entendu. D'ailleurs, elle n'aurait pas pu parler, elle n'aurait pas pu répondre, l'émotion, la crainte l'étouffaient. Ce n'est pas tout. pour surcroît de malheur, quelqu'un approchait, quelqu'un dont le nom seul à présent la faisait frémir. Sir Francis Levison. Allait-il la reconnaître ?